Le coton vient d'Afrique. Moi je viens de Manom. Le coton vient d'Afrique. Moi je viens de Manom. Je ne suis pas du coton, car je ne viens pas d'Afrique. Je ne suis pas du coton, car je viens de Manom. La choucroute vient d'Alsace. Moi je viens de Manom. La choucroute vient d'Alsace. Moi je viens de Manom. Je ne suis pas une choucroute, car je ne viens pas d'Alsace. Je ne suis pas une choucroute, car je viens de Manom. Pourquoi chanter? Pourquoi dormir? Pourquoi la vie? Mourir? Pourquoi? Pourquoi chanter sans toi? Pourquoi dormir sans toi et mourir? Pourquoi pas? Le rock vient de mourir, moi je viens de Manom. Le rock vient de mourir, moi je viens de Manom. Je ne suis pas le rock, car je ne viens pas de mourir. Je ne suis pas le rock, car je viens de Manom. Mais d'où vient Maïté ?